Auditrices, amis auditeurs, bonjour, bonsoir plutôt. Bienvenue sur les antennes de Radio Guémozo, la vieille radio libre, la plus ancienne radio libre des Vosges, qui a réussi à survivre. Oui, il a fallu survivre. Et depuis 42 ans. Alors, le calendrier des esclavages et des libérations. Eh bien, ce soir, le programme, ça sera Histoire des migrations, épisode 11, les premiers royaumes germaniques. Les premiers royaumes germaniques. Ensuite, 1961, les femmes conduisent les bus. Un document de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Ils en ont des documents, eux. Oh là là là, si on pouvait les utiliser tous, on ferait des émissions de radio 24 heures sur 24, rien qu'avec leurs documents, si ça se trouve. Caméra Café, 2001-2004, réforme des retraites. Eh oui, réforme des retraites, on nous ressort ça régulièrement. Bien souvent, il s'agit peut-être de cacher autre chose. On attire l'attention du public sur cette histoire-là, on fait traîner, on fait durer, on fait une modification ou on la fait pas, mais en attendant, le public, il n'a pas forcément vu ce qu'il aurait dû voir. Eh oui, qu'on lui a caché. Alors, ensuite, quand les femmes conduisait les bus de la RATP, et puis H. Clément et les chasseurs. Et l'incroyable discours de fin, Macron, le meilleur, je ne m'en lasserai jamais, je ne m'en lasserai jamais, eh oui. Ensuite, Martin Nadeau, un député en blouse à l'Assemblée nationale en 1849, c'est-à-dire que c'était un maçon-tailleur de pierre de la Creuse qui travaillait à Paris et qui s'est retrouvé député, voilà. Alors il est venu, un habit de travail à l'Assemblée nationale, eh oui, et déjà à l'époque. Merci à Elsa Faufillon de parler des régimes spéciaux. Ensuite, essais nucléaires en Polynésie, les rejets, les maladies, etc., etc. Hein. Et puis encore le nucléaire, la bombe, et puis les antinucléaires. Hein. Et puis une petite revue de presse pour finir, voilà. Puis ce sera tout pour ce soir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 6 mars? Eh bien, le 6 mars 1525, par exemple, en Allemagne, la ville de Memmingen, ralliée aux paysans révoltés de l'Allemagne du Sud, devient le centre du soulèvement. Les 12 articles de la charte paysanne y sont élaborés. Eh oui, il est en avance, hein, socialement. 1886, France, dans le bassin minier de Decazeville, on compte 1600 soldats pour 1500 grévistes. Ah, c'était en 1886, hein. Bon, c'était en France, oui, mais c'était en 1886. Oui. Voilà. 1905, France encore, suite à la réduction de 30% des salaires, au licenciement, réduction de 30% des salaires, oui, oui, vous avez bien entendu, au licenciement lié à des modifications technologiques, 280 ouvrières de l'usine de tissage de soie de Vizille se mettent en grève. Lucienne Beau, une veuve d'une trentaine d'années, prend la tête du mouvement, discute en vain avec les patrons, organise des collectes et une soupe populaire. France, 1905. Hein. 1916, Mexique, lors du premier congrès ouvrier de Puerto de Veracruz, la Confédération des travailleurs de la région mexicaine est créée. 1925, Égypte, le journal Al-Hisab se présente comme le journal de la classe ouvrière égyptienne. Journal de la classe ouvrière égyptienne. En Égypte, 1925. En France, le journal de la classe ouvrière en 2023, il s'appelle comment? Hein? Et est-ce que ça existe? Hein? 1930, USA. 7 millions de chômeurs manifestent avec le mot d'ordre, deux points, ouvrons les guillemets, du travail et de l'argent. 1930, USA. Du travail et de l'argent. 7 millions de chômeurs. En 1930, aux USA. Hein, vous voyez le libéralisme économique, ça fait tourner l'économie, hein, oui, mais au profit de quelques-uns et au détriment de la grande majorité. 1933, Allemagne, le Parti communiste, première victime de la prise du pouvoir par les nazis, est dissous. Ah, 1933, pourquoi les Allemands ils ont voté pour Hitler? Ben à cause du chômage. Ouais, il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1933. Alors les gens, ils en avaient marre de tous les partis politiques qui existaient à l'époque, qui n'étaient pas forcément tout à fait à la hauteur de ce qu'il aurait fallu. Et ben oui, ils ont voté pour le nouveau parti qui arrivait, qui n'avait encore rien fait, ni bien ni mal. Enfin, si quand même. Mais bon, tout le monde ne savait pas tout. Et les gens, ben, ils ont voté. Voilà, ils ont voté pour Hitler. Ah, ils ont regretté, hein. Ils l'ont regretté pendant des années. 1933, 2023. Il y en a qui regrettent encore cette période-là, hein. Ah oui. Ghana, 1957. Date symbolique pour le développement de l'Afrique moderne. Le premier État africain à la Côte d'Or britannique accède à l'indépendance sous le nom de Ghana. 1959, Zaïre. Proclamation du premier programme politique du mouvement national congolais. Né en octobre 1958, il envisage, entre autres, l'instauration d'un État démocratique et indépendant, des élections au suffrage universel, oh là là, la révision du régime des monopoles financiers, oh, l'instauration de la sécurité sociale, oh là là là, la scolarisation obligatoire et la promotion de la femme, oh là, eh ben, 1959. Il y avait des gens qui étaient drôlement modernes en 1959, hein, eh oui. Oui, alors comme en 2023, hein. En France, 2023, 1980, Salvador, l'équipe dirigeante joue le tout pour le tout, elle proclame en même temps la réforme agraire et l'état de siège. Thank you. Dans l'épisode précédent, on a terminé avec le sac de Rome. Des images terribles. Mais courage, la vie continue. Une fois n'est pas coutume, on va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'on a laissé des trucs importants de côté. Alaric en est encore à piller l'Italie et on sent déjà que Rome n'en a plus pour longtemps. Constantin III, toujours aussi prétentieux, sort de sa Gaule dans le but de sauver la cité mère. Mais en faisant ça, il dégarnit ses arrières. Et voilà qu'un nouvel usurpateur proclame son indépendance en Espagne. Or, c'est justement au même moment que la coalition barbare arrive au pied des Pyrénées après avoir ravagé toute la Gaule. Ils profitent de cette débâcle pour franchir les cols et ravager la péninsule. Jusqu'alors épargnée, l'Espagne plonge à son tour. Et comme il y a la mer partout, ils ne peuvent pas aller plus loin. Du coup, ils décident de rester et de se partager la péninsule à grands coups de crayon sur une carte. Les Alains, qui sont les meneurs depuis le début, se taillent la part du lion. Les plateaux arides de l'Ibérie leur rappellent les steppes de leurs ancêtres. Les Vandales obtiennent l'Andalousie et les Suèves le Nord-Ouest. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que les Romains ne réagissent même pas. Ils préfèrent continuer de se massacrer entre eux. Les armées des trois empereurs rivaux viennent se livrer bataille au niveau de la ville d'Arles. Les troupes d'Honorius se comptent sur les doigts d'une main, mais elles arrivent après la bataille, à la sournoise. Il leur suffit d'éliminer le résidu à coups de pichenette. Les deux usurpateurs sont expédiés ad patres. On pourrait se dire qu'Honorius a remis les pendules à l'heure, mais en fait, pas du tout. En Gaule, le passage des barbares a laissé toute une bande de laissés-pour-compte dans son sillage qui se sont reconvertis dans le grand banditisme. C'est le retour des fameuses bagaudes qui désolaient les campagnes au temps de l'anarchie militaire. À Mayence, les populations livrées à elles-mêmes proclament un nouvel empereur. Rebelote. Cette époque, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vidé par les précédents conflits, Honorius n'a plus aucune armée. Quoique, les Visigoths sont toujours là en Italie, et ils demandent qu'à se battre. Honorius leur promet des montagnes de blé, et les Visigoths se chargent pour lui d'exécuter l'usurpateur. Problème réglé. Le hic, c'est qu'Honorius n'a pas de quoi payer les Visigoths. Les caisses sont vides. Or, l'Empire d'Orient n'a pas l'intention de prêter un seul centime. La solidarité Est-Ouest, c'est terminé. Du coup, pour se venger, les Visigoths décident de piller tout le sud de la Gaule. Et oui, on n'en sort pas. Au final, Honorius est de nouveau sans armée, et la Gaule n'est pas plus pacifiée qu'avant. L'empereur se doute bien qu'un nouvel usurpateur va pas tarder à pointer le bout de son nez. Il y en a quand même 10 qui ont défilé ces dernières années. Donc il prend les devants. Pour faire la police le long du Rhin, il jette son dévolu sur les Burgondes. Vous vous souvenez, c'est les Germains qui habitent juste en face de Mayence, ceux qui ont subi de plein fouet le passage des barbares. Honorius leur propose carrément de fonder un royaume à l'intérieur de l'Empire pour qu'ils se chargent d'éradiquer la vermine. Trop contents de se mettre à l'abri du Rhin, les Burgondes s'empressent d'accepter. Et le pire, c'est que ça va marcher. Les Burgondes vont pacifier la zone tout en se romanisant. Cette initiative va faire tache d'huile. Bientôt, les royaumes germaniques vont s'épanouir dans la culture romaine jusqu'à recouvrir l'Europe occidentale d'une semence nouvelle. Thank you. Il vous est déjà arrivé d'avoir des accidents avec des femmes ? Non, mais enfin, très près. En général, elles conduisent très mal. Madame, vous travaillez à la RATP ? Oui, monsieur. Et comment se fait-il que vous soyez en pantalon ? C'est interdit pour les receveuses. Mais je suis pas receveuse, monsieur, je suis machiniste. Monsieur ? Comment ? Vous êtes mécanicien ? Oui, monsieur. Il a été conduit par une femme, cet autobus ? Oui, madame, monsieur. Et il est mal en point, non ? Non, ça va très bien. Les femmes conduisent aussi bien que les hommes ? Oh oui, ils font autant attention. Elles cassent rien ? Non, ils s'accrochent de temps en temps, comme les autres, mais pareil. C'est dur pour une femme de conduire un autobus ? C'est assez dur, oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les voyageurs, de voir une femme au volant ? Les voyageurs sont étonnés. Quelles sont leurs réactions ? Ils la font receveur et ils leur disent « Tiens, c'est une femme, mais c'est tout. » Dès l'instant où on ne les secoue pas, où on conduit assez bien, ils ne disent rien. Si vous étiez mariée, est-ce que vous continueriez à faire ce métier ? Peut-être pas, non. Pourquoi ? Parce que c'est pas la vie de famille non plus d'être toujours... On a des drôles d'heures. Madame, est-ce que... Vous vous apercevez quand un autobus est conduit par une femme ? Mais non, je trouve qu'il est aussi bien que soit par une femme ou par un homme. Elles conduisent très très bien. En général, elles conduisent très mal. Elles conduisent mal ? Très mal. Fait-il, mais vous montez dedans ou vous préférez les éviter ? Non, bah si je peux, je les évite, mais autrement... Bah... Vous montez dedans ? Je monte dedans si je suis bien forcé. Mais enfin, vous êtes déjà arrivé d'avoir des accidents avec des femmes ? Non, mais enfin, très près. Pourquoi ? Comment conduisent-elles ? Bah, en général, elles accélèrent au mauvais moment et tout ça. Thank you. Bon, les amis, on vit dans un sketch. C'est pas possible autrement. Donc là, on est sérieusement en train de débattre pour savoir s'il faut interdire aux chasseurs de chasser bourrés. Ah non, non, je déconne pas. Les sénateurs veulent interdire l'alcool à la chasse. L'idée serait d'appliquer les mêmes contrôles d'alcoolémie que sur la route. Les principaux intéressés, eux, crient à la caricature. Ah, mais vous saviez pas ? C'est légal aujourd'hui de chasser après avoir picolé. Y a aucune loi qui l'interdit. J'ai mis une casquette appropriée parce qu'on est vraiment les champions du monde. Et quand il est question du coup d'interdire à des types qui utilisent des armes létales de se pinter la tronche avant d'aller tirer dans les bois, voilà ce que répond le patron des chasseurs, Willy Schrein. Je cite. « De quel droit réserver ça aux chasseurs ? Un mec bourré sur un vélo, c'est dangereux aussi. » Alors le truc, Willy, c'est que les cyclistes doivent respecter le code de la route, du coup il est déjà interdit de rouler à vélo bourré. Et puis bon, comparer un vélo avec un fusil capable de tuer un sanglier, un cerf ou un promeneur à plusieurs centaines de mètres de distance, comment dire ? Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction.

Merci, Monsieur le Président. Puisqu'il faut parler de régimes spéciaux, eh bien parlons de retraites très très spéciales, ou plutôt de retraités très très spéciaux, qui décident de leur propre régime à quelques-uns et à leur seul profit dans une folle captation des richesses. Je veux donc parler de celui qui vient de quitter la présidence du conseil d'administration de Dassault Systèmes et qui a ainsi pu toucher 1 million d'euros par an. Ou encore de celui directeur général de Publicis qui a un système, un régime de retraite supplémentaire exclusivement conçu pour lui, qui lui permet aujourd'hui et jusqu'à sa retraite de cumuler 75 000 euros de rente supplémentaire, et ce chaque année. Alors qui sont les profiteurs? Qui sont les privilégiés? Qui organise le déficit dans le pays? Ce sont eux! Pas les agents de la RATP, en horaires décalés, en horaires mixtes, qui chaque jour transportent des centaines de milliers de travailleurs et à qui Valérie Pécresse a promis l'ouverture à la concurrence, aggravant le recrutement de conducteurs et mettant en danger, eh bien, la réponse aux défis climatiques. Ce ne sont pas non plus les électriciens gaziers qui, quand il y a des tempêtes dans le pays, sont dans les astreintes et viennent partout rétablir l'électricité à nos concitoyens. Ni ceux parmi eux qui sont chez les Robins des Bois et qui viennent remettre le courant à ceux à qui on l'a coupé, parce qu'il y a des familles qui dorment, avec des enfants qui dorment en doudoune chez eux parce qu'on leur a coupé le courant à cause d'impayés parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Nous serons toujours à leur côté, car nous sommes épris d'égalité. Ce n'est pas votre cas, comme nous sommes épris de liberté, et pas seulement pour ceux qui sont bien nés. L'arrivée de Martin Nadaud en blouse dans l'Assemblée de 1849 a créé le premier petit scandale vestimentaire de l'histoire parlementaire du 19e siècle. Dans ces assemblées de la Seconde République, la plupart des députés de la gauche, de la montagne, les sociodémocrates ou les rouges, sont des hommes qui viennent de milieux intellectuels, de milieux cultivés, voire de milieux aisés, des avocats, des journalistes, et très peu d'entre eux sont véritablement issus du peuple. Lorsque Martin Nadaud est élu pour la première fois député en 1849, il est véritablement le représentant des couches populaires, le représentant du monde ouvrier. C'est un député de la montagne, de l'extrême gauche. Martin Nadaud arrive en blouse à l'Assemblée législative, c'est-à-dire dans l'habit de travail traditionnel des ouvriers, ceux-là même qui, en juin 1848, s'étaient révoltés et avaient créé la panique dans la bourgeoisie française. La polémique vient du fait que c'est ressenti comme une provocation par les députés, notamment de la majorité, députés conservateurs, car l'usage était de porter l'habit, très souvent le gilet, la lavalière ou la cravate, et donc arriver comme ça en revendiquant son identité d'ouvrier, son identité populaire, crée un petit scandale auprès des autres, auprès de la majorité. Il a défendu la condition ouvrière, mais il faut savoir que sous la Troisième République, c'est le libéralisme qui domine. Donc Martin Nadaud, très isolé, très minoritaire, n'a pas pu véritablement faire avancer ses idées. remarque que les Polynésiens n'ont pas voix au chapitre. On parle d'eux à la troisième personne. Il reste des silhouettes qui font de la musique, qui dansent, qui chantent. Et ça remet dans le contexte un peu du folklore qui est mis en place aussi dans une optique de développer le tourisme qui est concomitant à l'arrivée du nucléaire en Polynésie. La métropole gère et planifie l'avenir avec un certain mépris pour les Polynésiens qui n'ont pas voix au chapitre. On voit très bien dans les bulletins de renseignement des barbouzes qui gravitent autour du gouverneur, chez les militaires également, on va moderniser Tahiti. Il va y avoir un processus de modernisation et cette idée-là, elle va jusque dans la construction des installations et notamment des bases-vie dans les différents sites, jusqu'à Mororoa, mais aussi dans la base avancée de Hao, où on construit des paillotes sur le modèle du Club Med qui est en train de s'imposer depuis les années 50. Et donc on crée déjà dans les sites nucléarisés une forme de Polynésie touristique idéale, de carte postalisation. Et ça va passer notamment par la modification du couvert végétal. En fait, à chaque aller-retour entre Tahiti et Mororoa, on ramène des plantes, des graines, soit des fins utilitaires, des fruits, de l'ananas par exemple, soit des fins décoratives comme des bougainvillées, ce genre de plantes qui sont destinées à améliorer l'ordinaire esthétique culinaire pour correspondre à ce qu'on se représente de l'expérience polynésienne. Tout est fait pour que la réalité corresponde au mythe. Qu'ils soient appelés ou volontaires, la France a besoin de militaires. Depuis 1964, un véritable débarquement composé de plusieurs dizaines de bâtiments de la Marine nationale assure le ravitaillement en matériaux et en vivres pour les travaux et les personnels de Mururoa. À l'été 1965, la Marine nationale française a créé le groupe aéronaval du Pacifique, dit Force Alpha, de plus de 3500 hommes, comprenant 7 bâtiments. Le porte-avions Foch, des escorteurs d'escadre, des pétroliers et d'autres bâtiments de soutien. Moi, je voyais Tahiti, il est la belle vie. On n'a pas parlé des essais, on l'a su après, et donc on partait pour une campagne de tir nucléaire. On est presque content d'ailleurs, parce que voir une bombe atomique, c'est pas permettant de le voir. Moi, quand je suis parti, ils m'ont tous dit bon, on va en Polynésie, on va là à Tahiti, mais on va surtout à Mururoa. Et j'ai dit à Mururoa, c'est quoi? Ils m'ont dit bah, c'est un endroit où on va faire des expériences nucléaires. Mais rassure-toi, c'est des bombes propres, il n'y a pas de problème, quoi. En tant qu'organisme civil public et spécialisé, le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, dispose en Polynésie d'une organisation distincte, mais associée aux armées. Le CEA dispose de nombreuses infrastructures de surveillance de la radioactivité chargées du contrôle biologique dans les deux atolls nucléaires, la zone militaire autour de ces atolls, ainsi que la surveillance du reste de la Polynésie. Dès 64, à partir du moment où on commence à se poser du côté du CEA et les militaires, on a assez bonne intelligence entre eux, même si le montage des services mixtes pose des petits problèmes, mais le CEA est assez malin pour dire aux militaires, laissez-nous rentrer dans la boucle, les militaires, on ne vous croira pas. Vous n'êtes pas des scientifiques, vous êtes des militaires, même si vous avez en fait des services scientifiques. Nous serons plus crédibles. Donc ça, vous voyez, il y a une dose de, si je ne sais pas de cynisme, en tout cas de logique communicationnelle chez les ingénieurs de la dame, qui est de dire, laissez-nous la place, les ingénieurs, pour avoir une parole, une expertise plus crédible. Au sein du CEA, on encourage les salariés célibataires à rejoindre la Polynésie. Ils m'ont proposé d'aller sur l'atoll du Mururoa. J'allais toucher 3 fois mon salaire et il fallait que je parte là-bas. On voyait bien que la façon de nous emmener là-bas, c'était un petit peu l'argent. J'y allais en toute confiance et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont donné quelques consignes de sécurité, ne pas manger les noix de coco, ne pas manger de poisson du lagon, c'est tout ce qu'on m'a donné comme consigne. Donc moi, dans la mesure où je respectais les consignes, c'est un petit peu comme si nos parents nous disaient « si tu respectes, il t'arrivera rien ». Pour moi, je respectais ce que la hiérarchie me disait, je risquais rien. Les besoins en main-d'œuvre du CEP sont énormes. En masse, les hommes des communautés insulaires, la plupart sans qualification professionnelle, sont embauchés pour ces grands travaux par des entreprises sous-traitantes. Taria, native des Gambiers, se retrouve très vite à Mururoa. Il y avait des Tahitiens, des autochtones des Marquises, des îles sous le vent, de Raiatea, de Rorutu, de Wain, Tuamutu, Rapa. De nombreux adolescents travaillaient là-bas. On travaillait le soir, toute la semaine, durant tout le mois, jour et nuit sur la plateforme. J'ai travaillé en gros pendant une période de 20 ans à Mururoa. C'est comme ça que j'ai appris toutes sortes de choses malsaines sur les atolls. Mais si on osait en parler, on était directement mis en prison. C'est la raison pour laquelle on niait le phénomène de la bombe atomique. Tous les travailleurs sont soumis au secret défense. Avant le lancement de la première campagne d'essai, il y a un début de contestation politique. Il y a deux grands axes d'argumentation pour ça. Le premier, c'est de se dire, on fait des référendums sous la Ve République, pourquoi n'en ferait-on pas un sur l'installation du CEP? En disant, après tout, on nous a demandé de voter sur l'autodétermination de l'Algérie, pourquoi ne le ferait-on pas sur quelque chose qui nous concerne beaucoup plus directement? Et le deuxième aspect, c'est de souligner les dangers sanitaires et environnementaux qui seraient inhérents aux essais nucléaires. Mais pas question de révolte et d'autonomie. Certains leaders polynésiens comme Puvanaopa, déjà déchu de son mandat de député depuis 1960, a été exfiltré de Polynésie et placé en résidence surveillée en métropole. Gracié de la peine de prison au début de 1966, il est toujours interdit de séjour à Tahiti. Les principales consignes qui sont adressées sur place au service de renseignement par la section d'études et recherches et le bureau d'études rattaché au gouverneur orientent l'activité des services vers la surveillance des parties autonomistes, en fait, parce que pour procéder aux essais nucléaires et pour construire le CEP, il convient d'avoir une vie politique locale avec des partis et des individus qui restent fortement attachés à la France. Toute velléité contestataire est rapidement tuée dans l'œuf. Et au printemps 1966, sur le papier, tout est prêt. Après un marathon de 2 ans, toutes les installations sont opérationnelles sur les différents atolls, notamment celui de Mururoa, où doit avoir lieu la première campagne d'essai. Jusqu'au dernier conseil de défense, le général Thiry est très optimiste, il dit on a des fenêtres météo très importantes, on pourra faire 9-10 essais dans une campagne entre le mois de mai et le mois d'octobre-novembre, il y a les régimes des vents favorables. On met en image aussi que tout est sous contrôle. Dans les films tournés et qui sont diffusés à la télévision française, on met en scène des briefings météo, donc il ressort de ces images que vraiment c'est une sécurité qui va bien prise en compte. 80% des moyens mis en place dans le Pacifique sont consacrés à la sécurité. L'État français se prépare à cette série de campagnes d'essais nucléaires en ayant bien à l'esprit toutes les données radiologiques. Chaque explosion comporte des risques qui semblent bien pris en compte pour les personnels militaires et civils du CEP. On a également conscience d'un certain danger pour les Polynésiens. Il y a tout un travail de préparation de la sûreté et de la sécurité, qui sont deux notions différentes, mais qui à l'époque se regroupent sous le seul vocable de sécurité. On crée un système de normes qui s'aligne sur celui du travailleur nucléaire, qui lui-même répond à des normes internationales, en disant voilà, jusqu'à quelle dose on peut exposer un travailleur ou un riverain, à partir de quand il faut considérer que c'est un accident, à partir de quand est-ce qu'il faut faire des évacuations. Il y a toute une réflexion sur l'évacuation. Est-ce qu'on fera des évacuations préventives? Si on craint que la puissance de l'engin aura des retombées pour telle ou telle population, ou curative, c'est-à-dire si on voit que la retombée arrive et qu'il faut enlever au bout de 24 heures les gens et les éloigner à Hao, par exemple, la base avancée, ou sur des bateaux qui s'éloigneront. En revanche, aucun dispositif n'est prévu pour alerter les populations de l'imminence d'un tir ou de possibles retombées dangereuses. Tout est laissé à la discrétion des militaires et des organismes de contrôle. Secret défense oblige. Officiellement, donc, les essais n'étaient pas annoncés à l'avance. Pour autant, il y avait énormément de Polynésiens qui travaillaient sur les sites d'essais et qui téléphonaient à leur famille, qui étaient donc rapidement au courant. Certains coupaient le téléphone avant l'essai, et donc quand ils ne pouvaient plus joindre leur famille, ils savaient qu'un essai allait avoir lieu. Mais il n'y avait pas de communication officielle. Pas de communication officielle. En revanche, en interne, une date est fixée pour le premier tir. La date du tir, elle est prévue le 1er juillet. C'est pas pour une raison symbolique, c'est que depuis le 18-19 juin, on voit une fenêtre météo s'installer avec des régimes des vents favorables. Et donc on a considéré, d'après ces deux ans d'accumulation de données statistiques, avec des Boeing qui ont volé dans le ciel, qui ont ramassé des vitesses de vent à différentes altitudes, avec les cartes météo qu'ont pu donner les Américains, avec l'ensemble des stations météo dans la région, on considère qu'avec une quasi-certitude, il y aura cette fameuse zone en bouchon de champagne qui fait que les vents iront dans un sens qui, miraculeusement, va laisser les Gambiers tranquilles d'un côté et les habitants des Tuamotu, notamment de Reao et de Turia, qui sont les deux atolls habités dans la région, tranquilles. Bernard Léchelon, alors jeune appelé, se souvient des procédures mises en place avant le tir. À J-1, on embarquait tout ce qui pouvait naviguer dans le lagon. L'amiral sur le bateau de grâce qui était voisin, donnait le signal au dernier moment. Alors à ce moment-là, c'est un point de non-retour. Et au petit matin, nous quittions le lagon, on allait au large. On est assez serein, et donc le tir doit être déclenché à 5h34 de mémoire le matin, le 1er juillet au matin. Patatras, quelques heures avant, le local d'observation du CEA pour la puissance énergétique du tir, la porte ne se ferme plus. Donc il y a une suspension automatique du tir. Et là, il faut prendre la décision, est-ce qu'on repousse le tir? Est-ce que la fenêtre météo est toujours aussi assez bonne dans le temps pour qu'on tire le 2 juillet? Teto est Téperou à 20 ans ce 1er juillet 1966. Elle travaille alors au Centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique. Elle est de garde au standard ce jour-là. J'ai eu la joie de répondre à une communication du général de Gaulle. Parce que le standard que je tenais au Centre d'expérimentation du Pacifique, c'est uniquement pour les personnes plus haut. Ça s'appelle le LO et je suis sur le code Hibiscus 52 dans le temps. J'avais 20 ans. Alors, j'ai passé parce qu'ils voulaient avoir le contact avec le porte-avions de Foch qui s'est amarré à Weirao dans le temps. Et j'ai passé sa communication toute heureuse parce que c'est le général de Gaulle. Hein. Inquiet de ce premier report, le président de Gaulle vient aux nouvelles. Il ne veut pas que le programme prenne du retard. Et là, on prend en conscience la décision de tirer, sans doute parce qu'il y a une pression politique assez importante, et donc Thierry décide de reporter de 24 heures, donc de tirer le 2 juillet au matin. En fait, les conditions météo, ils le savent, se dégradent. Remise au lendemain matin, Teto et Téperou est invité à venir assister à la retransmission de l'explosion d'Aldébaran depuis le CEP à Papette. Le premier tir de l'essai nucléaire ici en Polynésie française, j'étais de permanence ce jour-là au Centre d'expérimentation du Pacifique et mes supérieurs, c'est-à-dire le colonel Odo, qui m'a invité à aller avec eux pour regarder le premier tir de l'essai nucléaire à Mururoa. J'étais toute contente parce que je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'ai répondu à leur invitation, je suis allée. Et sur l'écran, on a projeté ce fameux essai nucléaire. À 5h34, tout le personnel de Mururoa, évacué sur les bâtiments du groupe aéronaval français du Pacifique, assiste à l'explosion de la bombe de 28 kilotonnes dans le ciel. À 17 km, on était pas loin. Hein. Et donc, on nous disait donc de tourner le dos et on avait les lunettes anti-flash, de façon que lorsqu'on allait se retourner, on nous donnait la possibilité de se retourner, il fallait avoir surtout les lunettes anti-flash. Là, on était en short et petites chemisettes sur le pont. Hein. Les consignes, c'était, voilà, on tourne le dos à la bombe, on tourne le dos à la bombe, on s'accroche les deux mains arrière sur les rambardes pour le souffle, et puis on attend le décompte, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et là on sent quelques secondes après un souffle qui nous balaye, hein, ni plus ni moins, puis après ce bruit assourdissant. Et après le souffle, on a le droit de se retourner, on nous demande de nous retourner, vous pouvez vous retourner, regarder, et là c'est. Là c'est sur 180 degrés, c'est du le feu, c'est le feu. J'étais toute troublée, quoi, quand je voyais ce feu qui sortait de la terre, qui montait, et qui se transformait en champignons grisâtres. J'étais comme ça. Je ne sais pas quoi dire, et une question m'est sortie de ma bouche. J'ai posé la question, est-ce que le champignon grisâtre qui est au-dessus de ce feu ne sera pas propagé dans toute la Polynésie? Et un de mes supérieurs m'a répondu, Jacqueline, tu verras dans les années à venir. Dans l'immédiat, sur le plan technique, ce premier essai est concluant. Pour les militaires, c'est une réussite. Au début, il est très joli, c'est un joli champignon. Il est là, il monte. Tout le monde est enthousiasmé. Le tir a lieu le 2 juillet au matin. Cette fois, pas de problème. Seulement deux variables qui ont été mal envisagées. La puissance est plutôt plus importante que prévu, on est dans une gamme supérieure. Et malgré cela, la taille du nuage est inférieure à ce qui est prévu. C'est-à-dire le nuage est plus bas que prévu. À un moment donné, on le voit, il avance, il est là. C'est très impressionnant. Très impressionnant. On ne nous le disait pas, ça, hein. Bien sûr. On ne savait pas. Ce qui se passe dans les hautes altitudes, ça se déroule comme prévu, mais il y a une brise légère en bas, à un endroit où le nuage est encore présent. Et le nuage est parti. Il avait tendance à partir plutôt vers le sud, vers les Gambiers en particulier. Outre Mururoa qu'il contamine, le nuage radioactif file à 450 km plus à l'est pour passer sur l'ensemble de l'archipel habité des Gambiers. Ils sont penauds, ils sont morveux. On avait le général Thierry au dernier conseil de défense avant la première campagne qui disait tout va bien, on avait fait une météo magnifique. Et là, il en rabat un peu et il dit non, il va falloir changer notre modèle. Après le tir d'Aldébaran, comme tous les autres essais atmosphériques à venir, la décontamination de l'atoll de Mururoa ou celui de Fangatofa prend des proportions titanesques. Après les explosions atomiques, il y a une remise en état de l'atoll. Et c'était les légionnaires qui s'en chargeaient. Et certainement les salariés tahitiens. Ils y allaient. C'était la pelle et le seau. On savait que la radioactivité était tombée sur le sol. Et on les voyait partir, la pelle et le seau. Ils balançaient une espèce de produit blanc, je ne sais pas, comme une lessive dessus. C'était des méthodes extrêmement primitives. Bon, les gens y allaient. Ils acceptaient. Mais s'ils avaient été informés de la dangerosité, ils n'auraient jamais fait cela. Nous, on n'y allait pas, on restait au mouillage. Mais c'est pas nous qui allons, c'était les Tahitiens. Et tous les fonctionnaires du CEP, ils n'y étaient pas. Hein. Ils étaient dans les bateaux qui étaient aussi au mouillage, qui étaient les basses-filles. Au Gambier, sévèrement touché. Aucune alerte n'est donnée, aucune évacuation n'est ordonnée. Pourtant, le jour même, un câble secret à diffusion restreinte est envoyé de toute urgence au commandement du groupe aéronaval du Pacifique. Ordre est donné à un navire de surveillance radiologique, appelé La Coquille, de se rendre immédiatement sur place. Ministre informé de radioactivité non négligeable, stop. Décroissance lente, stop. Contamination au sol existante, stop. Demande consigne pour décontamination et à tenir nourriture et pêche. Stop et fin. Dès le premier essai, Mangareva, les Gambiers et l'Équitaire a été atteint de plein fouet. Toutes les recherches effectuées par tous ceux qui sont penchés sur le dossier au niveau des archives qui ont pu être mises à notre disposition ou qu'on a pu avoir l'approuvent. le démontrent. Le drame, c'est que seules les autorités civiles, religieuses et militaires de l'époque de ces archipels, de cet archipel, de ces îles touchées, étaient au courant. Les populations locales n'ont pas été mises au courant. C'est bien plus tard. Mais elles sont restées dans l'ignorance la plus totale pendant des années. Ils ne prévoyaient pas non plus, forcément, donc, cette dispersion donc, de nuages radioactifs, avec en plus des retombées qui allaient provoquer ce qu'on appelle des doses externes et des doses internes. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, vous habitez au Gambier, bon, vous prenez des doses externes qui viennent de l'atmosphère, plus ou moins dangereuses, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop exagérer. Quelquefois, il y a des retombées atomiques que l'on subit et qui ne sont pas excessivement dangereuses si elles ne se renouvellent pas périodiquement. Et si, à ces doses plus ou moins importantes, ne viennent pas s'ajouter ce que vous attrapez en buvant l'eau de votre citerne, et lorsque vous consommez les noix de coco, qui en ont pris, elles aussi, plein la figure. Dans des documents récemment déclassifiés, le commandant du bateau de surveillance remet son rapport le 10 juillet. Il est notamment clairement écrit que l'eau de boisson présente une radioactivité égale à 6 fois la radioactivité naturelle. La population tahitienne est parfaitement inconsciente, insouciante et ne manifeste aucune curiosité. Le chef de poste, un gendarme, se doute de quelque chose et multiplie les douches. Nous l'avons rassuré. Les militaires sont au courant sans connaître évidemment pour la plupart les chiffres atteints. Dans les suggestions pour la deuxième campagne, il est écrit « Il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. » Les habitants n'ont alors aucune idée de ce qu'ils subissent. Mangareva a été contaminé par la France. Un mois, voire deux mois après les essais, les poissons ont tous été empoisonnés. Le premier insulaire intoxiqué a été Papapa Tiria. Par la suite, les essais ont recommencé. On entendait de nouveau les échos des bombes, comme un hurlement de la bombe. Ça ressemblait à un grondement de tonnerre. On disait que c'était mauvais, la terre était irradiée. C'était néanmoins notre seule terre, notre seule demeure. Suite à cette première campagne de tir, lors du Conseil de défense très secret du 10 novembre 1966, qui réunit le président de Gaulle, son ministre de la Défense Pierre Messmer et le général Thiry, de Gaulle s'inquiète des trop grandes précautions météorologiques prises. Puis son ministre de la Défense demande au général Thiry « Nous pourrions peut-être évacuer les Gambiers et Réaro. » Réponse du général Thiry « Le gain serait très faible. » Ils savent que les Gambiers ont été contaminés et ils savent qu'ils n'évacueront jamais les Gambiers parce que ça aurait un effet politique désastreux. Donc si vous voulez, il y a une conscience très claire dès l'été 66 qu'on contamine. On considère que c'est dans des proportions suffisamment peu graves pour ne pas prévenir les populations. Sous haute pression politique, les militaires tirent les leçons techniques de cette première campagne de tir. Fini les explosions depuis une barge, on passe au tir sous ballon aérien. La technique doit permettre de moins contaminer au sol sur les atolls militaires de Mururoa et Fangatofa. Mais en tirant plus haut, on élargit le risque d'étendre les contaminations à d'autres atolls. Tous les essais suivants continuent à contaminer. Le pic de ces contaminations est atteint lors du tir d'essai Centaure du 17 juillet 1974. Le nuage atomique se rabattait sur nous. Alors, on était à une certaine distance, mais allez savoir. D'ailleurs, on était surpris, au lieu de rentrer, tout le monde est confiné à bord. Deux jours, trois jours, et pas question de sortir. On fonctionnait à l'intérieur et on savait qu'à l'extérieur, bien sûr, sur le bateau, il y avait ce qu'on appelle un arrosage en puits. C'était un moyen de nettoyer le bateau. Aux premières loges, les militaires sont frappés de plein fouet. Mais il y a plus grave. Depuis le quartier général des forces françaises, Un militaire chargé du suivi du nuage radioactif sonne l'alarme. Il témoigne aujourd'hui anonymement. Le nuage est passé au-dessus de Tahiti. Ils ont envoyé un avion faire un prélèvement. J'ai jamais eu le retour du prélèvement. Par contre, j'ai vu la tête de l'ingénieur général quand il a vu le compte-rendu. Ça, c'est sûr. C'est pas descriptible. Hein. Ah, ça, pas content du tout. Hein. Panique à bord, là. Ah bah évidemment, si vous voyez que le nuage de Tchernobyl vous passe au-dessus du nez, vous êtes forcément pas très de bonne humeur, hein. Bah c'est à peu près pareil. Hein. Et puis, ils ont prévenu personne, et puis voilà. Au nord-ouest, notamment sur Tahiti, rien à signaler. Il n'y a aucune effervescence, aucun remue-ménage qui laisserait paraître que le nuage est arrivé sur Tahiti. Je pense que c'est une information qui a été gardée bien sous le coude pour éviter justement de faire du bruit. Surtout ne pas créer de panique. L'État et l'armée à travers le Centre d'expérimentation du Pacifique n'ont rien organisé. Pour Tahiti, ses atolls, leurs habitants et l'ensemble des personnels de l'État sur place, il n'existe aucune infrastructure de protection. Vous avez là encore un aléa météo qui est mal maîtrisé et qui va de pair avec un nuage qui est très haut. Et si vous voulez, vous avez une contamination diffuse, pas très importante, hein, mais sur un espace qui, lui, est beaucoup plus vaste. Et c'est donc finalement les populations bien les plus nombreuses de Polynésie, à savoir sur l'île de Tahiti, qui sont exposées en 1974 avec Centaure et non plus seulement les Gambiers ou Reao ou Toraya. Secret défense. Des dizaines d'autres campagnes d'essai sont prévues. Des sanctions sont prises, mais en interne. En termes de communication, c'est la grande muette. Mais il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre qu'il y a quand même eu un problème, puisque l'amiral qui commandait le CEP à ce moment-là est rappelé à Paris. On lui promettait les plus hautes fonctions. Il était notamment en lice pour devenir le chef d'état-major de la marine, et il disparaît. Donc, en termes de communication, il y a toujours ce même gouvernement par le secret, du secret par le secret. C'est-à-dire que les Tahitiens ne sont pas informés de l'amplitude des retombées et des conséquences sanitaires qu'elles peuvent avoir. Mais on le fait quand même en toute connaissance de cause. À Tahiti, toute la partie orientale de l'île a été touchée par des retombées du nuage radioactif. Après enquête interne menée par le CEP, des mesures discrètes sont prises. En 1974, lors de l'essai Centaure, le lait qui, à Tahiti, est essentiellement issu d'une zone qu'on appelle le plateau de Taravao, qui se trouve à l'est du coup de l'île, donc la partie la plus exposée aux retombées. Donc ce lait, pendant un moment, a été acheté directement par le CEP parce qu'il était considéré comme impropre à la consommation. Tout est contaminé. Je plains ceux qui sont à côté, les Iliens qui sont à côté, Mangareva, Hao, tous ces Iliens-là. Teto Etepérou, cet ancien employé du CEP, habite précisément la côte orientale de Tahiti. Mais pourquoi ils ne disent pas la vérité? Ils ont reconnu en Algérie, mais pourquoi pas en Polynésie française? Mais moi j'habite à 1,7 km seulement de la limite de Travon. Travon n'est pas loin de chez moi. Et ils disent que j'habite à 8 km. J'ai dit non, j'habite à 1,7 km de Travon, ce qui veut dire que la contamination est là aussi. 9 ans après le début des essais et cette campagne désastreuse de 1974, l'armée change son fusil d'épaule après 46 tirs atmosphériques. Désormais, ils seront souterrains. Sur les atolls de Fangatofa et de Mururoa, les bombes sont enterrées à plus de 200 mètres de profondeur, d'où elles sont mises à feu. De 1975 à 1996, 147 essais sont ainsi réalisés. Mais s'ils sont moins dangereux sur le plan radioactif, d'autres problèmes font surface. Les tirs souterrains, qui ont été faits soit offshore, soit dans la couronne de l'anneau, ont eu tendance à fragiliser les atolls. Et donc il y a une inquiétude à l'heure actuelle quant à une éventuelle déstabilisation géologique de l'atoll, ce qui pourrait entraîner du coup un effondrement partiel ou total, et avec des conséquences de type grade marée par exemple. En cas d'affaissement de la piste d'aéroport ou de tout l'atoll de Mauroa, une vague, un tsunami de 20 mètres va se déferler sur tous les atolls environnants autour de Mauroa dans l'espace de 45 minutes à 1 heure. Si les sirènes d'alerte ne vont pas sonner ce jour-là, paix à leur âme, toutes ces populations civiles vont disparaître. Top, certain. Les tirs ont considérablement fragilisé Fangatofa et Mururoa. Pour tenter de prévenir un tsunami meurtrier, les deux atolls ont été placés sous très haute surveillance sismique. Comme l'information est suivie depuis la métropole, donc les informations sont relayées à la métropole, puis après renvoyées sur le territoire pour éventuellement mettre en place les systèmes d'alerte, donc on est dans quelque chose de relativement compliqué en termes d'organisation, parce que c'est pas simplement faire de l'alerte, derrière il faut faire aussi de l'information des populations, de manière à pouvoir évacuer ou mettre en sécurité si besoin, de façon relativement rapide, puisque là on n'est pas sur des délais très longs, hein, c'est très court, il faut réagir en quelques minutes. Des atolls fragilisés et des milliers de victimes collatérales des essais. Leurs conséquences ont été longtemps mal évaluées. En 2021, une étude de l'université de Princeton a affirmé que les essais avaient touché en Polynésie un territoire grand, comme le continent européen, et 110 000 habitants, sans compter les dizaines de milliers de militaires français. La France a promulgué en 2010 une loi qui reconnaît et indemnise les victimes des essais nucléaires. Mais le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, le CIVEN, est très dissuasif. Il indemnise au compte-gouttes. Beaucoup d'anciens militaires n'effectuent aucune démarche, même si nombre d'entre eux ont des problèmes de santé. Sur les trois garçons, j'ai deux garçons qui sont en couple, qui donc attendent un heureux événement. Et là, à la fin de la grossesse, ça se passe moins bien, puisque les deux épouses accouche d'un enfant mort-né, et là, le grand-père, dans sa tête, il se dit, quelque part, c'est la descendance, c'est la faute du nucléaire. J'ai eu aucun résultat, ça se passait à l'hôpital Jean-Prince, et depuis, l'hôpital Jean-Prince est fermé, alors maintenant, les archives médicales, je ne sais pas du tout à qui s'adresser, est-ce que ça existe toujours ? Nombreux sont ceux qui ont vécu directement ou indirectement de possibles maladies radio-induites, comme l'épouse décédée de cet ancien militaire. Je rentrais parfois tous les week-ends ou tous les 15 jours, et je revenais avec mon linge sale, et donc ma femme faisait la lessive, et vous savez, lorsqu'on se secoue le linge au-dessus de la machine, et mon fils qui commençait à marcher, lui, il était à ses pieds, et j'ai certainement dû la contaminer puisque elle est décédée d'un cancer de la surrénale. Et j'ai vu récemment là que c'est un cancer qui est reconnu, qui est dans le suite aux essais. Et mon fils, lui, il a eu un enfant qui est décédé à 10 mois, une malformation du cerveau. Alors est-ce qu'il y a un lien ? Et ceux qui ont entamé des démarches suite à de graves problèmes de santé sont découragés par une guerre de procédure. Depuis mon retour, je suis malade. Aucune réaction de la part du CEA. J'ai suivi toutes les règles qu'on m'a données. Mais en contrepartie, le CEA savait ce qui se passait, les risques qu'il y avait à être là-bas. Et pour moi, j'ai été trompée. Vous ne risquez rien alors que eux savaient. Moi, j'ai fait la démarche d'aller à Mururoa, mais mes gamines qui n'ont rien demandé, mes petits-enfants qui n'ont rien demandé, par ricochet, et ça ne va pas s'arrêter là, malheureusement. Que j'ai pris un risque pour moi, bien que le risque, il n'y en avait pas, puisque je ne savais pas qu'il y avait un risque, mais que je l'ai fait prendre pour mes enfants et ma descendance, là, j'en ai gros sur la patate. Sur les attentes de traitement. Nous avons déposé 124 dossiers officiellement, obtenu réparation que sur 23 dossiers, et nous avons en instance 1000 dossiers. Quand on s'imagine qu'à l'allure où va le CIVEN, à savoir entre 10 et 20 dossiers par an, ne serait-ce qu'au niveau de Mururu et Tintou, dans 100 ans, avec nos 1000 dossiers en instance, on sera toujours là. Colère et attente. Teto et Tepérou se bat contre des maladies radio-induites depuis 1985. Le jour où j'ai eu cette maladie du cancer, je me suis dit, la voilà la réponse. Dans les années à venir, 20 ans plus tard, j'ai eu ce fameux cancer. C'est pour ça, moi, je confirme ma maladie. C'est pas une maladie comme ça. C'est une maladie liée aux essais nucléaires. Son dossier d'indemnisation est en attente depuis de longs mois. En 1985, j'ai contracté le cancer du sein gauche. Puis après, on m'a enlevé un rein droit, le rein droit aussi. À la suite, on m'a fait une opération de la thyroïde. Et en 2018, j'ai contracté encore le cancer du sein droit qu'on m'a enlevé. C'est-à-dire tous les deux seins sont enlevés. Et l'année dernière, on a vu quelque chose au niveau du poumon. On a fait un scanner et c'est là qu'on a trouvé il y a encore quelque chose au niveau du poumon droit. Et on m'a fait la biopsie, ça fait 2 semaines maintenant. Et j'attends le résultat. Et ça me fait mal de penser à tous ces mauvais souvenirs qui m'est arrivé. Et jusqu'à présent, je continue encore, sans savoir ce que j'ai. Mais je vais lutter. Il n'y a aucun problème pour ça. Au-delà de la santé et des inquiétudes sur le plan sismique, d'autres questions restent aujourd'hui en suspens. Les installations, leur usage, puis les conditions de leur démantèlement interrogent. Les déchets nucléaires produits par les essais nucléaires, on va en avoir 3 types. On va avoir les résidus des essais, donc les laves qui ont été produites, les rejets, les retombées qui sont immédiates autour du site d'explosion, sur Molova, sur Sprangatofa. Ça, on est sur des déchets qui sont au plutonium et qui sont gérés soit dans des puits qui ont été soit creusés, soit on a récupéré les puits d'explosion pour mettre les déchets. Et on va retrouver aussi ces déchets au fond des lagons, hein, qui ont été sédimentés à cause des explosions lagonaires. Ensuite, on a toutes les infrastructures qui ont été contaminées ou irradiées et qu'on va déconstruire et qu'on va océaniser. Et enfin, on va avoir les déchets technologiques, les avions qu'on a utilisés pour passer dans les nuages, les bateaux qui ont été contaminés, les voitures qui ont été contaminées. Et de manière moins spectaculaire, les gants, les blouses, les plastiques qui ont été contaminés. Tous ces éléments-là ont été lagonisés, océanisés. Ces déchets qui sont océanisés, ils sont à des profondeurs telles qu'on ne pourra pas les récupérer. On pourra les récupérer, mais à des coûts qui sont beaucoup trop importants. Et donc, ce ne sera jamais récupéré, ces déchets. En plus des principaux sites d'essais nucléaires de Fangatofa et Mururoa, l'atoll de Hao, dans l'archipel des Tuamotu, la base arrière du dispositif français, a elle aussi été touchée de plein fouet. Ce qu'il y a eu à Hao, notamment, c'est la décontamination de ce qu'on appelait les vautours. Donc ces avions qui devaient passer dans le nuage radioactif pour faire des mesures et qui ensuite atterrissaient à Hao et donc il fallait les lessiver. Donc il y avait justement ces radioéléments qui pouvaient rester sur l'endroit où ce qu'on appelle à l'heure actuelle la dalle vautour, puisqu'on a coulé ensuite du béton dessus pour essayer de figer ces radioéléments. C'est à l'heure actuelle une source d'inquiétude pour une partie de la population, qui se dit, si jamais, par exemple, il y a un cyclone, comme il arrive de temps en temps en Polynésie, est-ce que, justement, ça ne va pas fracturer ce béton et laisser se disperser ces radioéléments qui se trouvent à l'intérieur, par exemple. Depuis la signature en 1996 du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a d'ores et déjà accompli un travail titanesque dans la décontamination des nombreux sites utilisés pour ces essais nucléaires. Pourtant, beaucoup reste à faire. Panser les plaies d'une société polynésienne que cette industrie a bouleversée. Indemniser les victimes dans un cadre plus humain. Dépolluer et surveiller dans la transparence les risques sismiques, conséquences des explosions souterraines. Enfin, offrir à ce pays d'outre-mer, au sein de la République française, un avenir digne de l'importance géographique qu'il occupe déjà dans la géostratégie du Pacifique. À l'époque, a fait le choix du nucléaire pour des raisons de souveraineté énergétique, donner accès à une électricité abondante à sa population pour la reconstruction, pour assurer son développement en tant que pays à la sortie de la guerre. Pour la lumière, pour le chauffage, pour la cuisson des aliments, pour tout ce qui était nouveau aussi à l'époque, tout ce qui était les appareils électriques, tout ce qui était les nouvelles formes de communication, de divertissement, etc. Donc l'électricité était absolument fondamentale et devait être traitée du point de vue de l'État français à l'époque comme un service public. Et donc de manière centralisée et de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. L'énergie nucléaire pour ça était particulièrement appropriée. La comparaison avec la France est extrêmement intéressante parce que ces pays ont suivi des voies très différentes. Ça tient certainement au fait que l'Allemagne a toujours eu un approvisionnement en énergie plus hétérogène, avec des services municipaux, de petites et de grandes entreprises, etc. Notre principale source d'énergie était le lignite et la houille, alors que les Français ne disposaient pas de réserves aussi importantes. Erstmal C'était une source d'énergie nouvelle, coûteuse mais ambitieuse. Et il fallait y participer, un peu comme aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Il fallait absolument s'y intéresser pour ne pas rester à la traîne. Karl ist der 10. Siedewasserreaktor der Welt. Im Sommer 1960 wird die Montage beendet. L'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire a débuté dans les années 60 avec les premières centrales nucléaires expérimentales, comme celle de Calce sur le Main. Aujourd'hui, la centrale a été entièrement démontée, mais c'est là que tout a commencé en Allemagne. 8, 9, bitte einschalten. Au départ, l'État a eu du mal à convaincre les compagnies d'énergie à investir dans le nucléaire, parce qu'elles trouvaient ça trop cher et qu'elles avaient autant de charbon qu'il leur en fallait. À l'époque, on ne connaissait pas encore les dégâts causés par le charbon dans la production d'électricité. Les compagnies d'électricité se demandaient si ce serait rentable. Ça allait leur coûter cher. Elles devraient s'engager sur le long terme. Et comme il s'agissait d'une toute nouvelle technologie, elles savaient qu'elles devraient essuyer les plâtres. Il allait falloir expérimenter beaucoup de choses, développer des procédures. Les ingénieurs et les gestionnaires savaient que ce serait sans doute compliqué. Et dans un premier temps, ils ont hésité. Mais le réacteur à eau légère finit par s'imposer parce qu'il a une longueur d'avance. Il est issu de la recherche militaire et a d'abord été utilisé sur le Nautilus, un sous-marin américain. On n'en est donc plus au stade de l'idée. C'est une technologie éprouvée. C'est pour ça qu'elle a été retenue. Ce n'est pas le réacteur le plus performant qui existe, mais il s'est imposé, et c'est peut-être ce qui a permis qu'à la fin des années 60, l'Allemagne fédérale soit dotée d'une demi-douzaine de centrales nucléaires. L'engouement de la gauche pour la technique est une vieille tradition qui remonte à Marx. Pour la gauche, l'énergie pouvait être le facteur clé de la libération sociale. C'était quelque chose qui exerçait sur elle une grande fascination. Les marxistes étaient convaincus que le progrès social était lié aux moyens de production. Et vu l'évolution des différentes formes d'énergie, le nucléaire leur apparaissait comme le meilleur choix. Willy Brandt, à l'époque où il était maire de Berlin-Ouest, a lui aussi été un ardent défenseur de l'énergie nucléaire. Il voulait construire une centrale sur l'île de Wannsee, au milieu d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Et il n'a pas été si facile de l'en dissuader. Il a fallu lui faire entendre qu'en cas d'accident grave, la majeure partie de la population de Berlin-Ouest devrait être évacuée en RDA. Et c'était peu après la construction du mur. Ça aurait pu signifier la fin de la République fédérale. Morsleben en Saxe-Anhalt. À l'époque de la RDA déjà, des déchets radioactifs y sont entreposés dans une ancienne mine de sel à 480 mètres de profondeur. Tout comme la République fédérale, la RDA a vite compris que si on exploitait l'énergie nucléaire, il fallait trouver un site pour stocker les déchets. À Morsleben sont entreposés environ 36 000 mètres cubes de déchets. Ce ne sont pas des combustibles très actifs, mais plutôt faiblement ou moyennement radioactifs. En RDA, le traitement du matériel radioactif était très réglementé. À cette époque déjà, les produits étaient contrôlés à leur arrivée. Chaque fût, chaque becquerel de radioactivité qui arrivait ici devait être déclaré et dûment enregistré. Der Geigerzähler zeigt die Qualität des Erzes. Ein Druck auf den Knopf und genau sortiert rollt das Erz in die Kippanlage. Von hier aus wird es in den Hochbunker befördert. La mémoire collective du mouvement antinucléaire n'a pas retenu qu'à l'époque de la RDA, l'Allemagne avait été l'un des plus gros producteurs d'uranium au monde, en Saxe et en Thuringe. L'exploitation des mines d'uranium se faisait selon un schéma économique quasi colonial, puisque la totalité du minerai partait en Union soviétique pour y être transformé en éléments de combustible ou de bombes atomiques. Et jusqu'à la fin, la RDA a dû supporter une énorme part du coût de ces mines. Dès le début, la RDA a manifesté de l'intérêt pour la science et la technique. C'était une tradition socialiste. Il fallait opérer une révolution technico-scientifique. C'est pourquoi la RDA développe très tôt un programme de recherche nucléaire. Mais il s'avère vite qu'elle ne pourra pas construire ses propres réacteurs, car c'est l'Union soviétique qui contrôle ce domaine. Tous les réacteurs qui ont été montés en RDA étaient des modèles livrés par l'Union soviétique. Die Sowjetunion lieferte uns dieses wertvolle Aggregat, das mit einer Leistung von 2000 Kilowatt arbeitet und mit 10% angereichertem Uran ausgestattet ist. À partir des années 60, la RDA développe son propre parc nucléaire avec la centrale de recherche de Rheinsberg, puis toute une série de réacteurs à Lubmin, près de Greifswald. Am Jahrestag des Sieges über den Faschismus floss zum ersten Mal Atomstrom in das Verbundnetz der DDR. Dans les années 1950, des dizaines d'essais nucléaires atmosphériques ont lieu. Après les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne deviennent à leur tour des puissances nucléaires. L'énergie nucléaire a été engendrée par la science et la stratégie militaire, au-delà de toute rationalité économique. On sait qu'au début de sa carrière, notre ministre de l'Atome, Franz Josef Strauss, s'intéressait particulièrement aux réacteurs qui fonctionnaient au plutonium. Et ce n'était pas un hasard. On constate la même évolution en Suisse ou en Suède. À cette époque, l'armée était encore largement impliquée dans ce domaine. En Suède, la première centrale nucléaire civile, destinée à produire de l'électricité et de la chaleur pour Stockholm, était un projet militaire. L'objectif était certes d'alimenter Stockholm en électricité, mais aussi de fournir du plutonium à l'armée. Il n'est pas encore exclu de recourir à la bombe. Nous sommes à une époque où l'Alliance occidentale n'est pas encore complètement scellée. Et il est évident que si on ne s'engage pas dans l'armement nucléaire, en pleine guerre froide, ça pourrait devenir compliqué. C'est dans cette optique que les intérêts convergent pour développer un programme d'énergie nucléaire allemand. Et certains politiciens, comme Franz Josef Strauss, y sont assez ouvertement favorables. Nach wie vor ist die Bundesrepublik durch das militärische Potenzial und die unverändert gebliebene politische und ideologische Zielsetzung der Sowjetunion einer ernsten Bedrohung ausgesetzt. Dans un livre intitulé « L'atome joyeux » qui date des années 50, on peut lire ce texte. On nous accorde une confiance limitée. On nous interdit de fabriquer des bombes. Mais nous pouvons utiliser l'atome à des fins civiles, pour peu qu'on graisse la patte de ceux qui construisent des missiles. Et dessous, on voit une illustration qui représente un Allemand qui, en douce, remet une liasse de billets à un militaire français. La revue économique Industrie Courir écrit que la communauté européenne de l'énergie atomique, officiellement à vocation pacifique, était en réalité la communauté européenne pour le financement allemand de la bombe atomique française. J'ai relevé une série d'indices qui montraient que l'intérêt d'Adenauer pour l'énergie nucléaire reposait en partie sur la possibilité de construire des armes atomiques. A posteriori, on peut dire avec malice qu'en réalité, l'Allemagne s'en est très bien tirée, parce qu'elle aurait pu mettre au point une arme atomique. Sur le plan technologique, il lui aurait suffi de quelques mois pour doter le pays de la bombe. Mais elle ne s'y est jamais résolue et n'a jamais menacé publiquement de le faire. Si bien qu'elle n'a jamais été obligée de prendre en charge le budget exorbitant d'un programme d'armes nucléaires. L'heure H est proche. Et à l'aube du samedi 13 février, c'est le suspense qu'ont connu déjà les Américains, les Russes et les Britanniques. Feu ! Et c'est ainsi que la France est devenue la quatrième puissance atomique du monde. En 1970, la France et l'Allemagne comptent chacune 8 réacteurs nucléaires. Dans le mix énergétique des deux pays, la part de l'atome se situe alors à 5%. Dans ma jeunesse, on associait l'atome uniquement à des fins non pacifiques. On était contre les armes nucléaires. Et je dirais qu'il a fallu attendre la crise du pétrole de 1973 pour que l'utilisation pacifique de l'énergie atomique devienne un sujet en Allemagne. Ein ganz kurzes Wort, wie ist die Situation bei Ihnen hier an der Tankstelle? Ganz miserabel. Tag. Gar nichts mehr da. Was? Wir haben nichts mehr da. Wie? Gar nichts mehr? Nein, nichts mehr. On voulait s'affranchir du pétrole et du pouvoir des producteurs des pays arabes en misant sur d'autres sources d'énergie, comme l'atome. Parce que l'électricité permettrait de faire énormément de choses. Kernkraft, Kernenergie, Kerngesund. Noch ist die Zwangsabschaltung, der Zwangsurlaub vom Strom ein böser Traum. Industriel. Et il est intéressant qu'on ait oublié aujourd'hui que c'est en France qu'est apparu le premier mouvement militant antinucléaire, un peu dans la tradition française de l'action directe. Je suis historienne et sociologue des techniques. Effectivement, je suis autrice de La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée. Puis je me suis intéressée à l'énergie nucléaire en France et en particulier à la manière dont cette forme énergétique s'est normalisée au cours du temps en France, qui est en fait le pays le plus nucléarisé au monde par nombre d'habitants. J'avais d'abord constaté en fait l'importance du mouvement antinucléaire français dans les années 70. Au moment de la crise pétrolière de 1973, la France décide de passer au tout électrique, tout nucléaire, pour en fait assurer son indépendance énergétique. La France fait à l'époque l'effort le plus important au monde, en fait, dans son projet de nucléarisation, que c'était le projet du gouvernement Messmer. Il est vrai que la France n'a pas été très favorisée par la nature en matière de ressources énergétiques. Nous n'avons presque pas de pétrole sur notre territoire, nous avons beaucoup moins de charbon que l'Angleterre ou l'Allemagne, et nous avons beaucoup moins de gaz que la Hollande. Mais notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis, ne fait un effort comparable, et il y a là véritablement une des grandes œuvres que nous allons réaliser au cours des prochaines années. La France est le pays où, pendant les années 70 et 80, les centrales nucléaires se sont construites à la plus grande vitesse, en fait. Il suffisait d'attendre 5 ans pour voir, en fait, émerger une centrale nucléaire après le premier béton jeté. Ce projet, donc, gigantesque, voulait remplacer donc l'ensemble de la production électrique issue d'autres sources énergétiques par donc la production nucléaire. Ce projet se justifiait en premier lieu en tant qu'un projet de garantissant en fait la grandeur et l'indépendance donc nationale, la grandeur de la France industrielle, la grandeur industrielle de la France. Et ce projet a été décidé en fait par le gouvernement français sans consultation préalable des citoyens et des citoyennes. En 1975, 4000 scientifiques issus du CNRS, de Polytechnique, du Collège de France signent une pétition contre le programme Messmérien, en fait. Il y a aussi les syndicats à l'époque qui se mobilisent fortement, ce qui est en fait une chose assez singulière, même à l'échelle internationale. Un projet comme Fessenheim est décidé à Paris. Mais il faudra attendre un an avant que le plan Messmer soit discuté au Parlement. Pendant ce temps, les nucléocrates, c'est-à-dire le réseau EDF et l'administration de l'État, mettent tout en place pour le réaliser. Ce passage en force n'aurait jamais pu se produire en Allemagne à cause du système fédéral. Pour un tel projet, rien ne peut se faire sans consultation. La petite commune de Wil am Kaiserstuhl se situe non loin de Fribourg-en-Brisgau. Au début des années 1970, la région du Bade-Württemberg projette d'y construire une centrale nucléaire. Mais le projet rencontre une vive opposition. En 1975, 30 000 personnes descendent dans la rue et participent à une manifestation antinucléaire d'une ampleur inédite en Allemagne. Le chantier sera occupé pendant 9 mois. Pour moi, cette manifestation marque le début du mouvement antinucléaire. Les habitants ne voulaient pas avoir une centrale près de chez eux. Ils étaient inquiets pour leur avenir, pour leurs enfants, pour leur terre. C'était un mouvement qui venait des citoyens, pas de la gauche radicale. Il y avait des gens engagés politiquement, très hostiles aux armes atomiques et aux matières fissibles. Mais les autres étaient plutôt des amis de la nature. Et pour beaucoup des membres de la mouvance chrétienne, ils prenaient la défense de la vie et de l'environnement. Ces deux groupes se rejoignaient sur bien des points et refusaient l'idée d'un usage pacifique de l'énergie nucléaire. Les photos de Wil m'ont donné une énorme impulsion. À l'époque, ce n'était pas nouveau de voir des manifestations. On avait l'habitude de voir les 68ards défiler. Mais là, on n'avait pas affaire à des étudiants. C'était des viticulteurs. Et surtout, il y avait énormément de femmes. Et il y a eu des heurts avec la police. Et beaucoup de 68ards se sont dit, on ne peut pas laisser ces femmes toutes seules, on devrait aller leur prêter main forte. Elles ont peut-être raison.

Macron dans les poings serrés, je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Lundi 27 février 2023, Radio Guémozo était devant les locaux du député Negelen pour une manif à propos des retraites. Voilà, alors c'était une manifestation intersyndicale. Milliers de travailleurs, citoyens et électeurs de votre circonscription qui s'opposent de façon déterminée à ce projet de réforme des retraites. Comme partout en France, c'est la démonstration du rejet de plus en plus massif des salariés, des chômeurs, des retraités et des jeunes qui s'opposent catégoriquement au report de l'âge légal de départ en retraite et à l'allongement de la durée de cotisation. Après une première réforme de l'assurance chômage désastreuse par les personnes privées d'emploi puisqu'elle réduit leurs droits, si vous deviez ne pas vous opposer à cette réforme, vous contribueriez à creuser le précipice de la précarité dans lequel les travailleurs seniors seront inévitablement plongés si l'âge de départ à la retraite est repoussé. Avant même le début des débats à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a indiqué que l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable, ce à quoi nous tous avons répondu que c'est la revendication du retrait de la réforme qui n'est pas négociable. C'est la raison pour laquelle les organisations syndicales vosgiennes, CFDT, CFECGC, CFTC, CGT, FO, FSU Solidaire et UNSA des Vosges vous appellent à vous mobiliser, vous et vos collègues parlementaires, pour faire échec à cette réforme des retraites injuste et injustifiée qui remet en cause nos droits et nos régimes. Nous, travailleuses, travailleurs, étudiantes et étudiants, personnes privées d'emploi, tous futurs retraités espérant jouir de notre retraite en bonne santé, nous, citoyens et électeurs, garderons en mémoire quel aura été votre rôle déterminant dans le blocage ou dans la mise en œuvre de cette contre-réforme des retraites. C'est pourquoi l'intersyndicale vosgienne, CFDT, CFECGC, CFTC, CGT, FOFSU Solidaire et UNSA des Vosges vous demande de vous opposer vous aussi à ce projet. Monsieur le député, écoutez la rue, ce n'est peut-être pas la rue qui gouverne, mais si c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi, ce sont les citoyens qui élisent les députés. L'intersyndicale des Vosges. Donc... Au premier temps de la grève, c'est à peine si on s'en aperçoit. Au premier temps de la grève, il y a quelques trains qui ne roulent pas. Et les médias qui battent la mesure, répétant ce que pense le patronat. Les médias qui battent la mesure disent que la grève ça ne prend pas. Une grève des trains roulants qui nous tous nous défend, qui nous tous nous défend pour que la SNCF soit pas vache à bénef, que ce serait charmant. Une grève des trains roulants pour le service public. Pour le service public, c'est aussi sympathique qu'une grève des étudiants comme il y a 50 ans. Une grève des étudiants, c'est très enthousiasmant et très intéressant. Toute une génération qui se lève pour dire non au classement par l'argent. Une grève des étudiants, c'est tellement entraînant. Une grève, ça s'entend aussi à Carrefour pour dire non toujours au plan socio-balou. Une grève chez Air France, en lutte pour leur salaire. Ça fait une belle alliance avec les fonctionnaires qui luttent sans aisance contre l'austérité. Une grève des éboueurs pour un service public de gestion des déchets, c'est sûr ce serait meilleur et ça tomberait à pic comme une grève des postiers. Une grève des postiers, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, pareil organisée comme si c'était le privé et puis privatisé. Une grève des magistrats, une grève des avocats pour se mobiliser, de même que les greffiers contre l'austérité et de trop longs délais. Une grève de la santé, c'est une nécessité. Pour se payer le burn-out, les budgets au compte-goutte, patients et retraités ont besoin d'être soignés. Une grève dans les EHPAD, moins remuant qu'une ZAD, moins remuant qu'une ZAD, mais il serait grand temps, ce système est malade de son management. Une grève tous en même temps, c'est bougrement tentant. Salaire plus 10%, semaine de 32 heures pour un avenir meilleur, comme ce serait charmant. Face au gouvernement qui ment et on t'aimant. Contre l'austérité du président des riches, ils rêvent tous en même temps, nous tous on vous dit chiche. Au dernier temps, dernier temps de la guerre, tous ensemble, enfin on se bat. Au dernier temps de la guerre, en même temps, tous en même temps, on est là. Et le peuple qui a la mesure, le peuple qui lance son combat. Et le peuple qui a la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Et le peuple qui bat la mesure, le peuple qui lance son combat. Et le peuple qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une petite revue de presse. Bon. Eh bien, c'est important de défendre les travailleurs, déclare une dame sur le journal. Il faut défendre notre système de retraite. Une autre personne dit « Je continuerai de venir jusqu'au bout, aux manifestations. C'est à nous de venir nous battre pour les autres. » Alors moi j'ai ajouté « Et pour nous, et pour tous. » En 2022, la production nucléaire et la production hydraulique ont accusé des chutes respectives de 40% et 20% par rapport à 2021. Voilà. La France est insoumise et vend debout avec le PCF et les Verts. On aurait un local concret sur Épinal parce que jusqu'à présent, on a des groupes d'action, déclare François-Xavier Vin. Le 23 février, on va faire un meeting à l'espace court à Épinal avec le PCF, les Verts, la GDS et LFI. Oui. Voilà, donc ça c'est la vie démocratique du pays. Hein. LuxLeaks, mon combat n'a pas été vain, savoure Raphaël Allais, déclare Raphaël Allais. Hein. Bon, ils ont mis savoure, mais bon. 11 ans, c'est le temps qu'il a fallu au médecin Raphaël Allais pour être enfin reconnu mardi par la Cour européenne des droits de l'homme comme lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, faisant condamner le luxembourgeois Le Luxembourg, pour violation de la liberté d'expression. La fin du calvaire pour le Lorrain. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a réussi à faire condamner un État comme le Luxembourg et une multinationale. Son combat judiciaire long de 11 ans s'achève par une victoire. Voilà, donc il a dénoncé des pratiques d'évasion fiscale au cœur même de l'Union européenne. L'Union européenne, je me rappelle qu'il y a eu une manif où on était allés quelques-uns. Plusieurs dizaines de milliers à Bruxelles manifester contre le référendum. On avait voté contre et Sarkozy a fait comme si on avait voté pour. Voilà, hein. On s'assoit sur le peuple et puis on fait ses besoins. Voilà, comme ça là. Le lanceur d'alerte vosgien Antoine Deltour, content pour son homologue Messin. Content a été placé entre guillemets. Sous pression pendant 11 ans, Raphaël Allais vient d'être enfin conforté dans son combat pour le jugement de la Cour, par le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Le déclic vient en 2012 de l'émission de France 2 Cash Investigation. Elle révèle comment des entreprises échappent à l'impôt grâce aux montages fiscaux très élaborés de PwC. PwC, sans doute, hein, oui. En patois, il faut, voilà, ça a été un choc, voilà. Allez. Ensuite. 605 tués dans un accident de la route à cause des stupéfiants. Cocaïne. L'accident de la route mettant en cause Pierre Palmade a braqué les projecteurs sur la cocaïne, une drogue longtemps accolée à la jet set. Jet set. What is it? Vas. Varum. La cocaïne, ça tue, a asséné le représentant de l'accusation. Le magistrat pensait sans doute à la criminalité organisée, plus à la criminalité organisée qu'aux accidents de la route liés aux stupéfiants. Bon, la cocaïne s'est démocratisée. Ça aurait été mieux de mettre banalisée. Hein, parce que le mot démocratie, il faut l'utiliser quand même prudemment. Hein, parce que la démocratie, elle est souvent en danger avec les gouvernants que l'on a et que l'on risque d'avoir, hein, qui sera encore pire. Parce que comme le chômage n'a pas diminué, la misère a augmenté, les gens sont de plus en plus fâchés et ils risquent de faire comme les Allemands en 1933. Les Français, eh oui, il y a deux sortes de Français, comme les autres peuples, hein. Il y a les résistants et les collabos. Limité à un peu plus de 50 tonnes par an jusqu'en 2014, les saisies réalisées sur le vieux continent ont explosé depuis pour arriver à un volume record de 213 tonnes en 2020. Mais la drogue, est-ce que ça rend pas service au gouvernement, au pluriel, hein, gouvernement, à tous les gouvernements, à toutes les époques, hein, quand le peuple fume ou boit, eh ben pendant ce temps-là, il n'a pas le temps de réfléchir. Et il vote comme il peut après, hein? Ça peut être utile aussi, les substances chimiques, pour diriger les peuples, les populations. Nombreux types de complications neurologiques, cardiologiques, respiratoires, psychiatriques, ORL, dermatologiques ou infectieux. L'alcool fait 41 000 morts par an. Le tabac 75 000 et le cannabis compte 900 000 usagers quotidiens. Ben voilà, avec tout ça, comment voulez-vous que les gens y votent, hein? la nature, elle est bien faite. Elle ne laisse pas grand-chose au hasard, la nature. Eh oui, la drogue et les élections. Le concert néo-nazi était bien prévu dans les environs, secteur de Saint-Dié-des-Vosges. Le groupe de hard rock metal qui devait venir s'appelait Night for the Blood. Alors c'est du je croyais que les néo-nazis ça parlait allemand. Eh ben non, ça parle anglais. Alors ça veut dire quoi, Night for the Blood? C'est nuit pour le sang. Ben ils ont gagné, ces gens-là. Ils ont gagné une demi-page dans Vosges Matin. Une demi-page, vous rendez compte un peu? Hein? Eh oui. Le propaganda, je t'en fais le... Bon, allez. Pour que ce, le conseil s'oppose à la fermeture d'une classe. Le conseil municipal prononce officiellement contre la fermeture d'une classe à la prochaine rentrée scolaire. Alors, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, hein, sur la photo, dont un député. Ah, vous voyez bien que les députés, ils sont utiles. Eh oui, ils manifestent pour, contre la fermeture des classes. Ils manifestent pas contre le chômage. Mais ça viendra, un jour. Retraite. Le PCF interpelle le député Viry. Le secrétaire fédéral Sandra Blaise en tête s'est rendu devant la permanence du député LR Stéphane Viry. Voilà. Alors, il y a une photo, une délégation du PCF est venue interpeller le député sur les retraites. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la photo. Voilà. Alors, heureusement qu'il y a la France Insoumise qui est en train de sauver la gauche parce qu'autrement... le procès de Sébastien Raoult repoussé en 2024, après avoir été extradé du Maroc vers les États-Unis, où le FBI, comment? Ah oui, FBI, il faut dire, FBI. Ben, j'écoute pas assez les radios libres, moi, alors, l'anglais, j'ai beaucoup oublié, hein, FBI, l'accuse de cybercriminalité. Sébastien Raoult y avait plaidé non coupable. Une date du procès avait été fixée en avril 2023, mais au vu de l'épaisseur du dossier, son avocat américain a demandé un délai supplémentaire. Et sans doute des honoraires aussi un peu supplémentaires, hein. Mais coup de théâtre, le 31 janvier, 5 jours après l'extradition, l'ONU s'y opposait et a demandé la suspension. Point de suspension, bien trop tard. Voilà. Point de suspension, bien trop tard. Liberté sous caution. Le père de famille indique également que 20 mois de détention provisoire, 8 au Maroc ajoutés ou 12 à venir aux États-Unis, c'est trop. Ah oui, moi j'ajouterais même, c'est beaucoup trop. En France, le maximum, ça serait 4 mois, indique le père. Pour l'instant, c'est juste une idée, mais nous n'écartons pas celle de demander une liberté sous caution. Je suppose qu'ils ont aussi des bracelets électroniques là-bas. Voilà. Projet CIGEO à Bure. 12 réunions dans le département. En juillet, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure a été inscrit parmi les opérations d'intérêt national. Ouvrant la voie à la phase industrielle pilote, en réaction, un collectif d'associations organise 12 réunions publiques pour alerter et informer les Vosgiens sur les potentiels risques du projet. Alors, ce sera par exemple pour ici, le secteur d'ici, mercredi 29 mars à Saulxures-sur-Moselotte à 20h, au refuge de création du rue de Bamont, mardi 4 avril à Neuchâteau à 20h à l'île verte, dimanche 16 avril, Relange à 10h30, rencontre de l'agriculture biologique, dimanche 23 avril à Saint-Dié à 15h au Gratin, lundi 24 avril à Plombières à 18h au Broc Art Bar, et mardi 16 mai à la Chapelle au Bois à 19h chez Caspar. Voilà. Retraite. Les débats s'annoncent plus policés du côté des sénateurs. Ah, policés. P-O-L-I-C-E accent aigu S. Voilà. Voilà, voilà. Roger Gérard Larcher, président du Sénat. Voilà. En 2000, le président Chirac avait opté pour le référendum pour interroger les Français sur le passage du septennat au quinquennat. La participation avait été basse. Seuls 30% d'entre eux étaient allés voter. Bon. Alors, quoi d'autre sur cette page? Ben, pas grand-chose, à vrai dire. Hein. La NUPES n'a pas montré son meilleur visage, écrit un journaliste. La NUPES n'a pas montré son meilleur visage lors du débat à l'Assemblée nationale sur les retraites, a estimé dimanche le chef de file des députés socialistes, Boris Nadeau. Boris Vallot. Alors, ça ajoute en dessous, socialiste, point de suspension, point d'interrogation. Socialiste, pour être socialiste, il faut le prouver, hein? Eh oui, c'est pas le tout d'un... et le chômage, point d'interrogation, et le chômage. Alors le point d'interrogation, il faudra un jour le remplacer par des points d'exclamation, des points P-O-I-N-G-S. La consultation médicale à 30 euros irrite. La Sécu a proposé aux médecins libéraux d'augmenter leur tarif de consultation à 26,50 €, voire 30 euros s'ils prennent des engagements territoriaux. Si le projet d'accord n'est pas approuvé mardi soir, il reviendra à un arbitre de préparer la nouvelle grille tarifaire des médecins généralistes. Alors, qui sera cet arbitre, hein? Qui sera... Bon. Démarchage téléphonique, il faudrait l'interdire. Oui. À partir du 1er mars, une application d'un décret datant d'octobre 2022, vous ne pourrez plus être démarché le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les horaires seront aussi réglementés avec des appels possibles entre 10 et 13 heures, puis entre 14 et 20 heures. Ouais. Certains me disent même qu'ils ont débranché leur téléphone. Le démarchage téléphonique, c'est une plaie. Il faut l'interdire. Ah oui, c'est une belle ânerie. Si le démarchage... téléphonique était le seul témoin de ce qu'est notre société, déjà, ça serait la preuve que notre société, elle est catastrophique. Pas démocratique, catastrophique. Biodiversité, dauphin a échoué, Macron veut, entre guillemets, améliorer les pratiques. Bon, voilà, il va améliorer les pratiques. Hein? Et alors, ben, ils sont contents les dauphins. Un démarchage non consenti a peu de chances d'aboutir. Le lobby du démarchage téléphonique est considérable. Associé à l'UFC Que Choisir et d'autres structures comme l'Association de Défense, d'Éducation et d'Information du Consommateur, la CLCV, réclame l'interdiction du démarchage téléphonique. Voilà. Ah, ben, une bonne nouvelle, tiens. Aéronautique et Défense recrutent à tour de bras. Ici BBC, l'aéronautique et défense recrutent à tour de bras. Alors en dessous, dans la marge, il a été ajouté, point de suspension, Ukraine, point de suspension, point d'interrogation. Louis XVI, combien de chômeurs? Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, combien de millions de chômeurs? Combien de millions d'années de vie gâchées. Ce que fait Poutine en Ukraine, point de suspension, des morts, des blessés, des vies gâchées, des orphelins. En 1944-45, on a fait payer aux collabos les crimes commis, en partie seulement. Années de vie volées. Le chômage, c'est des années de vie volées.